bienheureuse apparition. » Ce fut alors seulement que Natividad expliqua, sans que personne ne lui demandât, qu'après la funeste tentative de la maison du serpent, ils avaient été jetés tous deux, Monsieur Ozou et lui, au fond d'un cachot, où ils étaient restés 4 jours, et dans lequel l'illustre membre de l'Institut avait pu se rendre un compte exact de la réalité de son aventure. Au bout de ces 4 jours, ils avaient trouvé la porte de leur prison ouverte, et s'étaient sauvés, sans avoir même eu le temps de demander des nouvelles du marquis. À ce moment, en effet, tous les Indiens abandonnaient précipitamment le Cusco et s'enfuyaient dans la montagne. Ignorant à quelle catastrophe nouvelle ils avaient affaire, Natividad et François Gaspard avaient couru vers Sicuani, où ils prenaient le train, et c'était justement cette catastrophe qui les avait sauvés. Vintémilla venait de surprendre et de battre à plate couture les troupes de Garcia, indisciplinées et abruties par les fêtes de l'Interraimi. Des milliers de Quichuas, soldats et civils, avaient été balayés du Cusco en quelques heures par les 4 escadrons d'escorte qui étaient restés fidèles au président de la République et à la tête desquels celui-ci avait chargé pour tenter, par un effort suprême, de ramener la fortune. Les 500 hommes, 200 espagnols, avaient vaincu les Incas comme jadis Pizarre, dans ces mêmes plaines de Xoxa, sous ces mêmes murs, qui continuaient d'assister, avec l'impassibilité des choses immortelles, à la lutte des races. Garcia avait dû s'enfuir en Bolivie. Il allait se faire sauter la cervelle quand la nouvelle d'une révolution au Paraguay lui redonna le goût de la vie, et il passa la frontière du Paraguay avec tout son ministère péruvien, à la grande joie du président de la République en Bolivie. Partis de Sucyani, Natividad et Ozu ne s'étaient arrêtés qu'à Molendo, et ils comptaient bien y rencontrer le marquis si le nouveau destin de la République lui avait également ouvert les portes de sa prison. En ce qui concernait Raymond, qui avait pu s'enfuir, il n'espérait plus le revoir qu'à Lima, après qu'il aurait tout tenté pour sauver Marie-Thérèse. C'était la première fois qu'il prononçait son nom depuis qu'ils avaient retrouvé le jeune homme. Celui-ci vit qu'il le regardait avec une angoisse réelle. Une touchante douleur était peinte sur le visage de François Gaspard. « Mon oncle, elle est morte !» Il se jeta dans ses bras. François Gaspard pleura et embrassa son neveu avec une grande, une véritable tendresse. Raymond s'arracha de son étreinte, tout secoué de sanglots, et ils le laissèrent s'éloigner le long de la plage, où le flot retentissant les retenait prisonniers depuis plus de 10 jours. Le Pacifique les trahissait à son tour et s'opposait à leur embarquement. « Pauvre Raymond, pauvre Marie-Thérèse, pauvre petit Cristobal !» gémissait François Gaspard. Il avait fallu de pareils malheurs pour que le bon cœur de l'oncle Ozou se montrât dans toute sa nudité, jadis trop habillé de froid des mauvaises littératures officielles. Il se reprochait amèrement d'avoir affiché, au commencement de l'expédition et jusqu'au Cusco, une attitude indifférente qui avait justement outré ses compagnons. Mais pouvait-il se douter? Une pareille chose, cette pauvre jeune fille, ce pauvre petit garçon. Mais c'était affreux. Qui est-ce qui aurait pu croire ça? En France, on ne le croirait jamais, jamais. Il aurait beau le raconter dans des conférences, avec projection et preuves à l'appui. Non, on ne le croirait pas, c'était terrible. Il pleurait, et Natividad aussi pleurait. Cette fois, disait celui-ci, il faudra bien que Vintémilla m'entende. Il nous vengera. Que dis-je? Il nous a déjà vengés par ses victoires. Le Pérou lui doit tout. C'est un grand homme. Garcia nous aurait fait retomber dans la barbarie. Il l'a bien prouvé dans toute cette affaire, et nous avons failli être ses victimes. 8 jours encore se passèrent. Tant qu'on ne put prendre le bateau pour Callao, Ozu et Natividad surveillèrent le désespoir de Raymond. Mais celui-ci avait un calme qui les trompa, et quand ils furent à bord, Natividad et Ozu se permirent de le questionner sur les événements terribles auxquels il avait assisté. Il leur raconta tout ce qu'il avait vu dans le temple de la mort et l'agonie de Marie-Thérèse. Cette narration, faite d'une voix simple et singulièrement paisible, fut écoutée avec horreur par Natividad et François Gaspard, qui s'enfuirent aussitôt dans leur cabine, où ils s'enfermèrent pour pleurer sans être dérangés, sur le cahier de notes qui allait fixer un si étrange récit. Raymond, appuyé au bastingage, regardait maintenant venir à lui cette côte qu'il avait récemment abordée avec tant de bonheur, et où, dans une heure, il allait mourir. Ah, le Pérou de Pizarre et des Incas! le fabuleux pays de l'or et de la légende, la terre de sa jeune ambition et de son amour. Mort son amour, morte son ambition. Seule vivait toujours la légende dont il avait ri, et qui avait tué tout cela, et qui allait le tuer, lui, après Marie-Thérèse, pour avoir ri. Ri de ce que racontaient les deux vénérables vieilles dames tombées d'un tableau de Velasquez, et qui semblaient avoir tant de mal à se relever. La tante Agnès et la duègne Irène, qui racontaient de si curieuses histoires autour du bracelet soleil d'or. Pour la première fois, ce fut lui qui se jeta le premier dans la petite embarcation du batelier Criard, mais cette fois il n'eut point besoin de demander où se trouvait la cale de Lima, et ses yeux ne quittèrent plus cet endroit de la ville où il avait couru si plein d'espoir, où l'avait attendu Marie-Thérèse. Hélas, aujourd'hui, après avoir abordé, c'est sans hâte qu'il gravit les petites ruelles, qu'il pénètre dans le labyrinthe, qu'il glisse dans l'ombre des arcades, et qu'il atteint, enfin, les trois carrefours où l'on aperçoit la véranda. C'est là qu'il avait entendu sa voix, c'est là qu'il venait la chercher tous les soirs, c'est là qu'un soir il ne l'avait plus trouvée. Jamais plus elle ne reviendra, la pauvre Marie-Thérèse. Jamais plus elle ne pliera, sous le poids des gros registres verts, sa souple taille où s'enroulait la chaîne d'or qui retient le crayon pour les chiffres. Jamais plus il ne l'entendra discuter, de sa jolie voix claire, le prix et la qualité du guano. Jamais plus elle ne se penchera à la fenêtre pour voir s'il arrive. Et Raymond s'avance, et tout à coup il s'arrête et chancelle. Sa main se porte à son cœur. Ah, cette fois il va mourir, tant mieux, n'est-il pas venu ici pour cela? Cette apparition là-bas à la fenêtre de la véranda lui fait trop mal, il étouffe, c'est la plus cruelle des hallucinations. Ou bien c'est peut-être vrai que les ombres, après la mort, viennent errer autour des endroits qui leur furent chers. Car il voit l'ombre de Marie-Thérèse, et ces ombres ont certainement le pouvoir de se montrer à ceux qui les ont aimés. L'ombre de Marie-Thérèse est à la fenêtre. Dieu comme elle est pâle, elle est diaphane. Quel visage de tristesse et de mort ont les ombres des morts qui viennent se promener dans la vie. Elle se penche comme autrefois, elle tourne la tête comme autrefois, elle a tous les gestes d'autrefois. Mais ce sont des ombres de gestes, et Raymond ose à peine murmurer « Marie-Thérèse !» de peur que toute cette ombre ne s'efface, ou qu'au seul son de sa voix ne s'évanouisse sa bienheureuse hallucination. À pas prudent, il s'avance, il glisse avec la précaution d'un enfant qui s'apprête à saisir un papillon et qui a la crainte de le voir s'envoler. Et son cœur bat, son cœur bat, son cœur se gonfle, son cœur va éclater. C'est bien un grand cri vivant qui s'échappe des lèvres de l'ombre. « Raymond ! Marie-Thérèse ! » Encore une fois, ils sont dans les bras l'un de l'autre. Il serre la chère ombre et ne se doute pas qu'elle, comme lui, pourrait croire ne serrer qu'une ombre. Ils ont tant souffert tous les deux, tant souffert. Ils défaillent aux bras l'un de l'autre. Ils tomberaient si on ne les entourait, si on ne les soutenait. Voilà les bonnes vieilles dames, Agnès et Irène, qui retiennent en pleurant Marie-Thérèse sous leurs bras. Et le marquis, plus vaillant, a couru dans la cale et ramène Raymond à son bras. Et tous pleurent, pleurent. Il n'y a que le petit Cristobal qui ne pleure pas, mais qui saute de joie à la porte du bureau en revoyant son bon ami Raymond et qui tape d'allégresse dans ses menottes. « Je te l'avais bien dit, Marie-Thérèse, qu'il n'était pas mort. Tu vas guérir maintenant, tu vas guérir. » Et Marie-Thérèse, dans les bras de Raymond, dit « Je savais bien, moi, que s'il devait revenir, c'est ici qu'il reviendrait. Mais est-ce bien toi, est-ce bien toi, mon Raymond ? Et toi, Marie-Thérèse, est-ce toi que je tiens dans mes bras ? Oh, Marie-Thérèse a été bien malade, et nous avons cru qu'elle allait mourir, fait le petit Cristobal, pendant que les deux vieilles sanglotent et que le marquis se mouche. Mais on l'a guérie en lui disant que Raymond n'était pas mort. Moi, je lui disais, tu verras, le bon Oscar l'aura sauvé aussi, c'est sûr. Oscar nous a tous sauvés, tous. Il faudra bien l'aimer quand il reviendra à la maison. Papa le dit bien, sans lui, nous serions tous morts. Mais maintenant, il ne faut plus mourir,